Wesh, de quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Hein? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Le savoir est dans le silence. T'es à poil, t'es sans finance. T'es ma proie, t'es ma pitance. Y'a moi qui jette les billets. Et puis il y a toi qui danse. Y'a pas de coïncidence. Ferme ta gueule, c'est moi qui pense. Je comprends ton besoin d'exister. Mais quand tu l'ouvres, c'est moche. Comprends notre besoin de t'exciser. Ton français, il fout les pétoches. Reste tranquille, main dans les poches. Tu jacques, ne dis pas que c'est le touch. T'es vraiment, tu perces pas du bleu. Est-ce vraiment du sperme ou du blush? Blush. Pour toi, pas de rédemption. Je vais t'enfler les ganglions. Tout ça sans prétention. Bâtard, si t'es dans le sillon, je peux dévier de ma mission. Toujours la même ambition. Depuis post-bac admission. Quand je rappe, je sexe ma brutie. Ma bite dans ta bouche balbutie. Je le fais pas pour les matutis, mais pour le salaire de ma tutie. Je parle d'amour et de liberté. A chaque billet, je dis merci. Sur ton cas, je vais pas disserter. Je fume le ton car je retourne hiberné. Ta putain de pute a quitté. Ce putain de flic t'a giflé. Au fond de la classe agitée. Pour détailler ta vrillée. Toute cette canne cachée dans le cul. Ce putain de thème, j'en peux plus. Parle plus de ça ou je t'encule. Même si c'est pour faire un cul. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Le savoir est dans le silence. T'es à poil, t'es sans finance. T'es ma proie, t'es ma pitance. Y'a moi qui jette les billets. Et puis il y a toi qui danse. Y'a pas de coïncidence. Ferme ta gueule, c'est moi qui pense. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Le savoir est dans le silence. T'es à poil, t'es sans finance. T'es ma proie, t'es ma pitance. Y'a moi qui jette les billets. Et puis il y a toi qui danse. Y'a pas de coïncidence. Ferme ta gueule, c'est moi qui pense. De quoi tu prends la parole, c'est sacré. Tu rappes ta vie de merde et après. Avec ça tu vas pas payer la crèche. On va t'entourer à la craie. Trouve un taf, cesse de gratter. Parle d'autre chose que les frater. Pour la fin tu m'en préparer. Et pour tes merdes, t'oses me dire t'es pas prêt. De quoi tu parles?